Naquit quand la patrie périssait. 30 000 Français vomis sur nos côtes, noyant le trône de la liberté dans des flots de sang. Tel fut le spectacle odieux qui, le premier, vint frapper mes regards. Les cris du mourant, les gémissements de l'opprimé, les larmes du désespoir environnèrent mon berceau dès ma naissance. Tragique évocation. Combien surprenante, sous la plume d'un jeune officier de l'armée française qui, en juin 1792, se met à la disposition de Pascal Paoli, le patriote corse, en révolte contre l'occupant français. Qui pourrait croire que l'auteur de ce sombre tableau, le lieutenant Napoléon et Bonaparte, va, 15 mois plus tard, rendre Toulon à la mère patrie, puis tout le restant de sa vie, personnifier la France, en rester le héros, et pour la plupart de ses compagnons de gloire, l'idole. Que l'annexion de la Corse ne s'était pas faite sans mal. Soulevé contre les Génois, auxquels les troupes de Louis XV avaient prêté main forte, les insulaires répugnaient tout autant à changer de maître. La guérilla s'était poursuivie lorsque la République de Gênes, consciente qu'elle ne pouvait décidément pas conserver par le traité que Choiseul signe à Versailles le 15 mai 1768. Cet acte diplomatique, confirmé par l'ordonnance royale de réunion du 15 août suivant, reconnaît comme sujet français tous les Corses nés ou à naître. L'avocat de petite noblesse Carlo Maria de Buonaparte et son épouse née Letizia Ramolino n'acceptent pas le nouvel état de choses. Ils se joignent aux combattants du maquis et poursuivent la lutte même après l'irrémédiable défaite subie par les milices corses à Ponte Nuovo en mai 1769. Lorsque Letizia, le 15 août suivant, à Ajaccio, un an, jour pour jour, après la proclamation de l'ordonnance de réunion, accouche d'un garçon, l'héroïque jeune femme donne à ce rejeton de rebelle l'étrange et rare prénom de Napoleone, qu'avait porté un de ses oncles combattants pour la liberté. Napoleone, un patronyme, dira plus tard l'empereur, doué d'une vertu virile, poétique et redondante. Thank you. Letizia Bonaparte reste une fervente patriote corse, Carlo, devenu Charles, abandonne bientôt le parti de Paoli. Il s'accommode de l'occupation, devient, en somme, un collaborateur. Et c'est ce qui lui permet d'obtenir certaines faveurs du gouverneur comte de Marbeuf et des bourses pour ses enfants. C'est ainsi qu'à la fin de 1778, se rendant à Versailles comme député de la noblesse corse, il emmène avec lui ses deux fils aînés, Joseph et Napoléone, pour les confier au collège qui accueilleront les jeunes boursiers du roi de France. Pour le futur empereur, qui a tout juste 9 ans, c'est d'abord Autun, puis au printemps suivant, Brienne, où il restera plus de 5 ans. Elle n'est pas gaie, la vie, dans ce collège militaire. Le petit Corse ne peut qu'être mal à l'aise dans la froide et crayeuse champagne qui ne rappelle guère à sa vive imagination les magnificences du sol et du climat de son île natale. Il y connaît des accès de nostalgie, tournant tantôt à une profonde mélancolie, tantôt à une véritable exaspération. Il est, par surcroît, en butte aux moqueries de ses camarades, qui raillent son prénom exotique, son accent bizarre, et briment à qui mieux mieux ce nouveau si peu communicatif, hargneux, farouche. Ses éducateurs déplorent son caractère dominant, impérieux, entêté. Pour eux, qu'est-ce que la Corse ? Une île lointaine que même les professeurs de géographie ne considèrent pas comme terre française, mais comme pays étranger. Le fait est que Napoléon ne se sent pas chez lui. Il reste corse de cœur et d'âme, corse des pieds à la tête. Il ressentira longtemps encore de la méfiance, sinon de la haine, à l'égard des Français qui, il le dira lui-même, ont ravi à ses compatriotes tout ce qu'ils chérissaient et corrompu leurs mœurs. C'est en Corse qu'il a puisé la vie, et avec elle un violent amour pour son infortunée patrie et pour son indépendance. Tout en poursuivant ses études, se passionnant surtout pour l'histoire et les mathématiques, il trempe son caractère au contact d'un milieu hostile, en réagissant contre le despotisme monacal qu'il déteste. Un jour, durement réprimandé, il lance une fière réplique. « Qui êtes-vous donc, monsieur, pour me répondre sur ce ton ?» lui demande le principal. « Un homme, monsieur !» répond l'élève officier de 14 ans. En octobre 1784, il quitte Brienne avec un intense soulagement et va suivre, à Paris, les cours de l'école militaire, d'où il sort, un an plus tard, avec le grade de lieutenant en second. C'est la première étape sur la route de la gloire que franchit à 16 ans Napoléon et Buonaparte. Nanti d'un habit bleu à collet rabattu doublé de rouge, épaulettes losangées d'or et de soie, il est affecté au régiment de l'affaire, un des fleurons de l'artillerie d'Ancien Régime. Entre-temps, Charles Buonaparte est mort. Peut-on dire que Napoléon s'est senti soulagé en apprenant cette disparition ? C'est probable. Il en voulait à son père de l'avoir privé de sa patrie et d'avoir préféré au péril de la liberté les avantages de la servitude, alors qu'il est, lui, par devoir obligé de louer des hommes que, par vertu, il devrait haïr. Le jeune officier connaît maintenant la morne vie de caserne. Entre 1785 et 1788, le régiment de l'affaire tient garnison à Valence, puis à Lyon, à Douai, à Auxonne. Que faire? Sinon lire. Lire beaucoup, lire énormément. Napoléon admire Corneille. Apprend par cœur des scènes entières de Racine. Idolâtre Rousseau. « Oh, Rousseau !» s'exclame-t-il. « Pourquoi faut-il que tu n'aies vécu que 60 ans? Dans l'intérêt de la vérité, tu aurais dû être immortel. » La vie de garnison, il faut bien dire que le lieutenant d'artillerie s'arrange pour en pâtir le moins possible. Afin de régler ses affaires de famille, il obtient, en septembre 86, un congé pour se rendre dans son île natale qu'il n'a pas revue depuis 8 ans. Permission de 12 mois qui, pour lui, en feront 20. Dès l'année suivante, nouveau congé, nouvelle prolongation qui lui permet de passer encore 15 mois en Corse, où il retournera après avoir fait, pour peu de temps, une apparition à son régiment. Pendant que Buonaparte fait ainsi la navette entre son île et le continent, la Révolution déroule ses péripéties. Mirabeau, dans un accès de générosité, a demandé à l'Assemblée constituante le rappel de Paoli, réfugié en Angleterre pour, dit-il, expier une injuste conquête. Le retour du vieux combattant n'arrange pas les choses. Les 12 députés corses ont bien demandé que l'île soit déclarée partie intégrante du territoire national, mais les insulaires ont plutôt tendance à suivre le héros de leur indépendance. Bien entendu, Buonaparte est paoliste. Napoléon en est maintenant à son 3e congé. Il n'entend pas le limiter aux 3 mois qu'on l'a autorisé à prendre. Il s'en accorde 9. Se fait élire lieutenant-colonel de la garde nationale et contribue, pour sa large part, à entretenir l'anarchie qui règne dans l'île. Cet officier français va même jusqu'à combattre les troupes françaises. La surprenante mansuétude de ses supérieurs semble être sans limite. Et il lui faut néanmoins choisir. Menacé d'être considéré comme déserteur, il rentre en France, mais pas à son régiment. C'est à Paris qu'il va plaider sa cause. On ne lui tient pas rigueur de ses incartades, puisqu'on le réintègre le 10 juillet 1792. Mieux encore, il est promu capitaine. On pourrait penser que ses avatars l'ont assagi. Nullement. Il ne reste que quelques semaines à son corps et retourne, c'est la 4e fois, à Ajaccio. Il reprend son grade dans la garde nationale, retrouve aussi Paoli, lui offre ses services. Mais, bientôt, il s'en sépare. Vieilli, amer, le patriote déçoit le jeune capitaine que les idées révolutionnaires ont fini par conquérir. C'est une véritable conversion. Quand celui qui personnifiait l'indépendance fait appel aux Anglais, Bonaparte le considère comme un traître. Le combat vigoureusement et doit quitter la Corse, chassé cette fois-ci par un soulèvement contre la Convention. Il ne reverra son île, et pour une semaine seulement, qu'à son retour d'Égypte, lorsqu'il y fera escale. On peut dire, quand il regagne son régiment, qu'il a battu un record. En 7 ans et demi de service, il n'y a passé que 30 mois. Bonaparte, qui sera bientôt Bonaparte, est maintenant bien français. Il est aussi jacobin. Dans un discours qu'il a composé pour l'Académie de Lyon, il a foulé aux pieds la théologie, la monarchie absolue, déclamé contre l'autorité, exalté la liberté, l'égalité, le stoïcisme, la simplicité du cœur et des mœurs. Bref, comme l'a écrit un de ses biographes, il a combattu toutes les passions qui le gouverneront plus tard. Dans un pamphlet intitulé « Le souper de Beaucaire », il pourfend le fédéralisme et les proconsuls de la Convention approuvent si vigoureusement cet opuscule qu'ils le font imprimer aux frais de l'État. Bientôt, c'est le siège de Toulon et l'entrée dans l'histoire. Augustin Robespierre, le frère de Maximilien, lui reconnaît un mérite transcendant. Général de brigade, Bonaparte s'humanise. À Marseille, il flirte avec Désiré Clary, vante les arts d'agrément, lui écrit « La lettre est du 24 Fructidor en 2, c'est-à-dire 12 septembre 94. Vous avez des dispositions pour la musique, achetez un piano forte et prenez un maître. La musique est l'art de l'amour, la douceur de la vie, la consolation des peines et la compagne de l'innocence. Votre voix se perfectionnera encore et de nouveaux talents augmenteront le plaisir de vos amis. Il envisage de composer pour la jeune fille une théorie de la musique. L'idylle restera sans lendemain. Désirée ne sera pas impératrice des Français. Elle aura une carrière moins éclatante, moins éphémère aussi, en devenant Madame la Maréchale Bernadotte, duchesse de Pontecorvo et reine de Suède. Mais Napoléon aimera toujours la musique. Celui des beaux-arts, dira-t-il, qui a le plus d'influence sur les passions. Celui que le législateur doit le plus encourager. Deux autres monarques absolus, Louis XIV et Frédéric II, avaient déjà, avant lui, les mêmes goûts. Le char de la fortune, cependant, n'avance pas encore très vite. Quand Bonaparte est enfin nommé général de division, il a 26 ans. C'est à peine la maturité. Pourtant, à cet âge, Marceau et Hoche commandaient déjà des armées. Mais après Vendémiaire, tout se précipite. C'est l'Italie, c'est l'Égypte, c'est Brumaire.